Chapitre 22e. D'où venait la lettre que Joe Blanquette venait de relire avec un si évident plaisir? C'est ce que le détective anglais ne s'était pas demandé. D'un complice désireux de se venger, très certainement. De Piébald, peut-être. Car dans toute la fielleuse missive, pas une fois le nom du bandit n'était prononcé. Piébald, si c'était lui, avait des raisons de ne pas se flatter de ses crimes. Qu'offrons toujours les autres et rattrapons les perles, avait pensé Joey Blanquette. Après, je recommanderai Piébald à Corfe, celui qui sera une compensation à ce pauvre garçon. Joey Blanquette eut un rire silencieux. Il plia soigneusement le papier qu'il fourra dans sa poche. Le taxi avait atteint le boulevard de Sébastopol à la hauteur de la rue Turbigo et, enserré entre deux files de véhicules, venait de ralentir. Joey Blanquette ignorait que Corfe le suivait, mais c'était un homme méfiant et prudent. Doucement, il ouvrit une des portières, lança un bref regard au chauffeur pour être bien sûr qu'il ne le voyait pas, et sauta sur la chaussée. Il se faufila rapidement entre les voitures et, ayant atteint le trottoir, s'engouffra dans la station du métropolitain. Il n'aperçut aucune figure de connaissance sur le quai souterrain. Satisfait, soulagé, il prit place dans une rame. J'irai bien aux gens, pensa-t-il. Mais si je rate mes gibiers à la banque Forsmith, vous serez perdu. Pas de bêtises. Le métro, en quelques minutes, le conduisit à la gare du Nord. 6 heures du soir sonnaient lorsqu'il y arriva. Le plus prochain train pour l'Angleterre partait à 9 heures. Joey Blanquette prudemment quitta la gare et alla dîner dans un restaurant de la rue de Dunkerque. À 9 heures, le rapide de Calais l'emmena. Voyage sans incident. Au jour, Blanquette foula le pavé de Londres. Sorti de la gare de Charing Cross, il héla un taxi pour se faire conduire à Scotland Yard. Les bureaux de la banque Forsmith n'ouvrant qu'à 9 heures, il avait tout le temps pour y organiser une souricière. Comme il allait monter dans une auto qui s'était approchée, il entendit courir derrière lui. Il se retourna et se trouva face à face avec Jérôme Corfe. Nous avons eu la même idée, monsieur Blanquette, remarqua l'inspecteur de la sûreté, jovialement en lui tendant la main. Vous avez reçu une lettre, vous aussi? Parvint à dire Blanquette, en dominant son trouble et son dépit. Une lettre? Oui, la banque Forsmith. Nous allons les avoir. Nous sommes sur la bonne piste cette fois. Je crois, balbutia Blanquette furieux. Quelque détective en civil en cas de résistance et l'affaire se fera en douceur, fit Corfe d'un ton détaché. Oui, siffla Blanquette entre ses dents. Si dépité qu'il fût, il était beau joueur. Il dompta sa colère et invita Corfe à prendre place avec lui dans le taxi. Après tout, mieux valait triompher à deux que pas du tout, et Blanquette, à part lui, se promettait bien de soigner sa publicité dans les journaux britanniques, de façon à démontrer que c'était grâce à lui et à lui seul que les criminels de l'îlot Maïden avaient été arrêtés. Sans avoir besoin de questionner Corfe, ce qui eût trop fait plaisir aux policiers français, il devinait que l'inspecteur de la sûreté l'avait suivi à sa sortie du quai des Orfèvres et avait pris le même train que lui. En quelques minutes, les deux hommes furent à Scotland Yard. Blanquette, il faut lui rendre cette justice, ne fit aucune tentative pour semer son collègue français. Par mesure de sécurité, 6 détectives en civil furent dirigés sur la banque Forsmith. La lettre de l'ami de la justice avait décidément bien renseigné Joey Blanquette. À 10h25 exactement, le célèbre détective qui, aux côtés de Corfe, et tous deux étant habilement déguisés, se tenait dans le hall de la banque Forsmith, vit arriver un groupe de 3 personnes, Meraki et puis Teddy, qui donnaient le bras à une jeune fille. Ils se dirigèrent vers le guichet des accrédités. « Je suis Monsieur Edward Clamps, expliqua le bandit, et voici Mrs. Edward Clamps, née Julia Jacobsen, ma femme, qui a expédié il y a environ 3 mois un groupe de perles fines, ainsi qu'en fait foi ce reçu. Nous venons le retirer. » L'employé, sans mot dire, prit le papier. Il avait été d'avance prévenu par Joey Blanquette. Quelques minutes passèrent. Assis sur une des banquettes de velours occupant le centre du hall, Meraki et Teddy paraissaient profondément indifférents. Personne n'eût pu deviner que c'étaient des assassins venant chercher leur butin. Julia Jacobsen regardait autour d'elle d'un air doux et rêveur, sans que son visage reflétât autre chose qu'une parfaite tranquillité. L'employé reparut derrière son guichet et appela monsieur et madame Clams. Il tenait à la main une boîte de bois oblongue, garnie de 6 gros cachets de cire. Voici la boîte en question, dit-il. Veuillez en vérifier les cachets et vous me signerez une décharge. Teddy prit la boîte. En règle, dit-il sobrement. Mais vous, vous ne l'êtes pas, Edward Clams, fit une voix derrière lui. Il se retourna. C'était Joey Blanquett, flanqué de Korf. Un rictus de tigre plissa la face de Teddy. Il porta la main à sa poche. Trop tard. 4 vigoureux gaillards, qui semblaient fort occupés devant les guichets, se ruèrent sur lui et l'immobilisèrent, cependant que 2 autres s'assuraient du docteur Meraki. Korf galamment alla prendre le bras de Julia Jacobsen, cependant que Joey Blanquette fourrait dans sa poche la précieuse boîte de bois comme pièce à conviction. Il en donna un reçu à l'employé. Et la petite troupe, sous les regards interloqués des clients, sortit de la banque Forsmice. Korf et Joey Blanquette prirent place dans une auto en compagnie de Teddy et de Meraki, ces derniers soigneusement menottés. 2 des 6 détectives qui venaient de procéder à cette sensationnelle arrestation s'installèrent dans un taxi avec Julia Jacobsen et en route pour Scotland Yard. Ni Meraki ni Teddy n'avaient protesté. Des garçons intelligents. Ils savaient que le silence est d'or et qu'on parle toujours trop. Ignorant quelles étaient les preuves accumulées contre eux, ils préféraient attendre, voire venir. J'en étais sûr que je finirais par les pincer, murmura Joey Blanquett qui exultait. Faites voir la boîte. Les cachets sont intacts au moins, demanda Korf. Joey Blanquett lui tendit le précieux colis. Korf, sans mot dire, le regarda longuement, se pencha même vers la portière pour mieux le voir. Teddy a eu raison, murmura-t-il, c'est en règle. Il replaça la boîte dans l'épais papier de soie qui l'enveloppait pour en protéger les cachets et la rendit à Joey Blanquett qui l'empocha à nouveau. Encore quelques tours de roue et les 2 autos s'arrêtèrent devant la porte de Scotland Yard. « Je vous laisse un moment, fit Korf. Je vais téléphoner à Paris pour prévenir M. Serpier. Je vous rejoindrai ensuite, qu'on les fouille bien, hein ?»« Je connais le métier, observa un peu sèchement le détective britannique. Korf lui serra la main et sortit. Il ne revint pas, il ne revint jamais. Et lorsque, quelques minutes plus tard, Joey Blanquett, le premier interrogatoire, un simple interrogatoire d'identité de Teddy terminé, montra la boîte au bandit pour qu'il la reconnût comme étant bien celle qui contenait les perles volées au vieux Jacobsen, Teddy s'exclama « Ce n'est pas elle? Vous l'avez changée ?»« Je l'ai changée, et quand ?» maugréa Joey Blanquett en haussant les épaules. « Je n'en sais rien, en tout cas ce n'est pas celle-là qui vous a été remise à la banque Forsmice. » Comme ce n'est pas celle-là que j'ai envoyée à Sydney. Vous voulez garder les perles pour vous, hein ? Le célèbre détective, pris soudain d'une inquiétude, regarda mieux les cachets et vit qu'ils étaient ornés de 3 X entrelacés, autour desquels courait cette phrase « Monsieur Joey Blanquett est un imbécile ». Très pâle, le policier britannique, à l'aide d'un coupe-papier de cuivre, fit sauter les cachets. Il ouvrit la boîte. Elle contenait bien des perles, mais des perles qui manifestement étaient fausses. Et voici la lettre que M. Joey Blanquett reçut le lendemain. « Cher Monsieur Blanquett, vous avez déjà reçu un mot de M. Piebald contenant certains renseignements au sujet de l'affaire Jacobsen. Permettez-moi de les compléter. C'est moi, Triplix, qui me suis fait passer pour William Grant lorsque M. Korf a exécuté la première perquisition à Enghien. C'est moi qui ai endormi M. Korf dans le train pour sauver Mlle Argoulian. C'est Piebald qui a enlevé le cadavre d'Autodrôle de la morgue et c'est moi qui, m'étant emparé de Piebald, l'ai enfermé dans la malle restée au Gigantix Palace. Piebald avait enlevé le cadavre de Drôle pour le faire disparaître. Il craignait qu'on le reconnût et que la justice arrivât jusqu'à Argoulian et lui. C'est moi qui, dans le bateau parisien, ai enlevé Vacariades et ai pris sa place, ce qui m'a permis de découvrir les projets d'Argoulian et de Piébald. Et c'est Piébald qui, à l'aide des clés de Monsieur Korff, a cambriolé ce dernier. C'est moi qui, après l'évasion de Mademoiselle Argoulian, suis parti pour Marseille et vous ai fait arrêter par la police des ports. C'est moi qui, ayant pris le Calais Méditerranée, me suis emparé de votre avion dans l'Acron, ce qui m'a permis de savoir ce que devenait l'auto grise devenue rouge, où étaient Argoulian et consorts. C'est moi qui, ayant laissé Mademoiselle Argoulian rejoindre son père, n'ai eu qu'à les suivre pour savoir ce que devenait Teddy. C'est moi qui, au moment où le docteur Meraki allait organiser le mariage de Sonia Argoulian avec Teddy, Mademoiselle Argoulian ayant été obligée de jouer le rôle de Julia Jacobsen, suis intervenue et ai enlevé Mademoiselle Argoulian et son père. C'est moi qui, ayant guetté Piébald, l'ai vu vous écrire une lettre dénonçant ses complices. C'est moi qui ai pris la place de Korff, que vous aviez réussi à semer entre la préfecture de police et la gare du Nord. Je l'ai vengé, cet homme. Ne cherchez pas Monsieur Argoulian, il est loin, dans un pays neuf, où il va essayer, sous un autre nom, d'oublier son passé et de l'expier. Sa fille, elle va devenir ma femme. Les perles, elles vont être vendues par mes soins. Leur montant sera versé aux pauvres de Paris. J'ai commencé cette affaire pour avoir les perles. J'ai trouvé sur mon chemin une femme que j'aime et qui m'aime, et qui, j'en suis sûre, fera mon bonheur. Il ne faut pas trop demander au destin. Sur ce, je vous quitte, cher monsieur Blanquette. Vous avez obtenu un beau résultat. Teddy, Meraki sont entre les mains de la justice. Piébald, le plus abject de tous, c'est lui qui a envoyé la lettre explosive à monsieur Heyman, s'est réfugié chez un de ses amis, 45 rue des Tilleuls à Ménilmontant. Vous pouvez l'y faire cueillir par monsieur Korff, ce sera pour lui une petite compensation. Et je vous adresse mes respects. X triple X. PS. Voici une somme de 2000 livres sterling qui servira à l'entretien dans un asile d'aliénés de Mademoiselle Jacobsen, qui est folle. José Moselli. Fin.